Where the stars around the clock. When I'm there, you speak so soft. The run around will wear you out. You break it off, I'll break you down. The world is full of good intentions. Comme James Ford, c'est un producteur assez dingue. Dave Hines oscille entre le punk, la soul et la dance. Il produit sous de nombreux pseudos et bosse aussi bien pour Solange, la frangine de Beyoncé, que FKA Twigs ou encore sa vieille copine Florence et ses machines. Et c'est indiscutablement notre power play de l'année 2011. Blood Orange, année 2011 que nous traversons ce soir avec Tonton Camille à la programmation. La nuit des temps, l'international de la danse. Le syndrome de Gilles de la Tourette est une maladie qui provoque des tics physiques et parfois même, chez le patient, des crises pendant lesquelles il profère, figurez-vous, des paroles socialement inacceptables, des obscénités, des trucs comme des insultes, des grossièretés qui partent dans tous les sens. Et c'est ainsi qu'en 2011, Brigitte Fontaine imagine un patron d'une grande boîte qui soudain, et à la surprise des actionnaires, est emporté par ce syndrome de la Tourette. Et soudain, il insulte tout le monde autour de la grande table, pendant que le conseil d'administration regarde le bilan financier. Mesdames, messieurs et chers actionnaires, je tiens à vous dire... Pute salope, enculé, couille canard, mal monté, branleur piseuse, garce suceuse, que le dernier conseil d'administration, fion, con, queue, tête de nœud, sac à bise, chieur de bite, a décidé à l'unanimité. Fils de pute, enfoiré, reluqué, mal baisé, foutre de chien, fumier de lapin, de vous saluer. Grand couillon, merde, chier, con, pine, morue, trou du cul. À jeudi prochain. Ça, c'était très 2011. Est composé de Léo Elden, suédois aujourd'hui installé à Paris, et de Julien Barthes. Ils sont fans tous les deux des Cocteau Twins comme de la dance des années 80 à Manchester. Leur carte postale met tout le monde d'accord, surtout les LCD Sound System, dont on sent ici grave l'influence. La nuit des temps, Radio Duo. Subtract, Right Thing to Do, et Jesse Ware qui chante ici et qui n'est pas sans lien et sans rappeler l'ultra-voix de la méga-star Adele. Mais oui, et qui va suivre. Toujours pour visiter l'année 2011. A quand même été une drôle d'année avec ce pur blues qui était positionné en haut des ventes mondiales. C'était assez incroyable. C'était Rolling in the Deep, un titre qui aurait pu être taillé pour Tina Turner, mais c'était Adele, évidemment. poursuit la visite avec une autre forme de blues, celui de King Krul, qui avait bien frappé nos oreilles, aussi avec ce magnifique Bleak Bake. Wouldn't wake up this morning, believe me, this might be your only warning, and you'll see why the wolves won't cry. Foresee something bright, but darker and darker they get as my clothes burn, sweat and start to weep as we sleep. La nuit des temps, l'international de la danse. En 2011, une page se tourne. C'est le dernier album des géniaux Beastie Boys. Another official selection from the Bill Harper Collection. She called me by surprise. It was shit on my- et Vines, notre power play cette semaine, en 2011. Il y avait presque du Morrissey dans ce Fogerty de Blood Orange aka Dave Hines, comme il y a d'ailleurs du Mylène Farmer à toutes les époques, depuis plus de 30 ans. Cher Mylène, Stupeflip, et vous êtes dans la nuit des temps. Et les compteurs sont toujours bloqués sur l'année 2011. Mylène, je viens juste de te voir dans un clip YouTube, magnifique, comme à ton habitude. Et si par hasard tu m'entends, juste maintenant, je veux simplement que tu saches que j'adore ton petit museau de belette, ainsi que tes grands yeux si noirs, prunelles, pimprenelles, dans lesquels je me noie sans fin comme dans une piscine de café moulu. Je t'imagine, fille de prince russe en exil, détentrice des clés du mystère au chocolat, sillonnant notre morne pays, à bord d'un bus, dernier cri. Je veux juste te dire que durant toutes ces longues années de perdition, j'ai souvent pensé à toi. À toi, Mylène, petite chose tellement fragile et forte à la fois, aérienne et cérébrale, si parfaite, tel un rêve éveillé. félicité pour ses magnifiques duos avec Syl et Jean-Louis Murat. Tu y es irréprochable, comme à ton habitude. Je pense que tu dégages quelque chose de très particulier. Et si juste maintenant tu entends ma voix à travers du matériel, des enceintes, peut-être même ton iPod, je veux juste que tu saches que j'aimerais énormément collaborer avec toi. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi. Et je pense que nos univers pourraient s'entremêler. Moi aussi, je suis à fond dans la mort. J'aime les tombes. Et j'aime cette vérité glacée que tu nous délivres de si belle façon. Mylène, je ne voudrais pas paraître trop cavalier. Mais j'aimerais tout de même te laisser mon mail. kingju@wanadu.fr. Tu n'es pas obligé de m'écrire tout de suite, tu sais. Je suis quelqu'un de patient. Prends ton temps, Mylène. Constantly, because they want you to live on, because they want to live on, and they're trying all the time to tell you shit. And if you just spend a few minutes with yourself, you would hear them. You would hear them. So they took you and they left you. How could C'est pas parce que nous traversons 2011 qu'on ne peut pas aller en Italie, et plus particulièrement dans le nord de l'Italie. Alors voilà, nous sommes à Trente, et à Trente, Marco Ricci publie quelques EP, puis un album bien senti en 2011 qui s'appelait 1979. Il se produit aussi sous le nom de Casa del Mirto. Il a un peu disparu depuis, bien sûr, mais à la nuit des temps, il y a un titre qu'on aime bien jouer. C'est The Right Way. Une manière quelque peu synthwave. À 2011, ce n'était pas que DSK ou Fukushima. Il y avait aussi de quoi se recharger les batteries avec de la bonne musique, comme Moss of Aura, là tout de suite, et sur laquelle nous allons refermer tout doucement notre bon vieux club. qui était bien calé ce soir sur le 2-0-1-1. C'était un petit bout de cette drôle d'année 2011 avec, dans l'ordre d'apparition, Baxter Dury et son merveilleux Trellick, Beth Ditto, encore mieux en solo, Blood Orange, bien sûr, alias Devines, qui est sans doute l'une des meilleures nouvelles dans l'histoire de la soul d'aujourd'hui, même s'il se fait malheureusement super rare. Un petit coup de Brigitte Fontaine qui insulte tout le monde, mais ça c'est pas sa faute, c'est à cause de Gilles de la Tourette. Slove et Substract aussi sur le dance floor de la nuit des temps. On n'a pas peur des stars avec Adèle. Et puis tiens, en parlant de stars, on a reçu également indirectement Mylène Farmer, mais cuisinée par Stupeflip. Et que l'on imagine bien notre Mylène en tournée sillonner le pays dans son bus métallisé et dernier cri. Et Mylène qui depuis 2011 a peut-être répondu à l'appel du mail de Stupeflip avec son adresse en Ouanadou. Il y avait aussi sur notre dance floor un peu particulier King Krul, un chouille des Beastie Boys, Saint-Vincent. Et dans quelques instants, plein de bonus. Une fois par mois, à cette heure-là précisément, juste après la nuit des temps sur Radio Duo, vous connaissez le truc, on lance la pièce en l'air, on va voir si elle tombe sur pile ou face, sur qui ou quoi. Ça, c'est la surprise du chef et de la vie et de la radio, et c'est vachement bien comme ça. Mossa Ofara nous aide à lever les yeux vers le ciel de Saint-Étienne, un ciel qui a changé d'heure le week-end dernier, mais même avec une heure de retard, les étoiles sont toujours là. Elles sont toujours là pour se mêler aux ondes et à la musique de Duo. Mille merci à Tonton Camille pour sa super programmation annuelle. C'était la nuit des temps. Buona notte. Salut. quelques instants, qui ou quoi sur Radio Duo, et ça va causer Star Wars. Et c'est cool. Restez bien avec nous, le temps de quelques bonus, le nombreux public s'installe comme à chaque fois.